Ce n'est pas des degrés Fahrenheit comme au Canada. Non, bien entendu. C'est des degrés centigrades. Ça fait combien en Fahrenheit? Quelque chose comme 90 degrés. Ça va faire combien au soleil? Nous regarderons le thermomètre en arrivant chez votre oncle. Moi, ça me convient. J'aime la chaleur. Et voilà, tout est prêt. Prenez vos places, messieurs, dames. Après vous, Marie-Claire. Merci. Fermez bien votre portière, Luc. Oui, ne vous en faites pas. Tout le monde est à bord? Oui. Alors en route. Oh, Marie-Claire, ne fais pas une tête pareille. Nous arriverons sains et saufs, ne crains rien. Marie-Claire a vraiment si peur que ça d'aller en voiture? Je déteste ça. La voiture me rend malade. J'aimerais mille fois mieux aller chez mon oncle par le train, ou même à bicyclette, plutôt que d'y aller en voiture. Pourquoi pas à pied pendant que tu y es? Allons, Marie-Claire, ne craignez rien. Si nous devons mourir, nous mourrons tous ensemble.